Le chat. Je souhaite dans ma maison une femme ayant sa raison, un chat passant parmi les livres, des amis en toute saison, sans lesquels je ne puis pas vivre.